Et c'est une dinguerie, quoi. C'est vraiment une dinguerie. Moi, j'adore. À l'époque, j'écoutais beaucoup de chansons de Sniper, dont Gravé dans la Roche. Celle-là, elle m'a marqué, cette chanson, quoi. C'est Gravé dans la Roche. Elle déglingue, cette chanson, elle déglingue. Mais je l'ai tellement écoutée que maintenant, je vous avoue qu'elle déglingue un peu moins, car j'en peux plus de cette chanson. Je l'ai trop écoutée. Mais par contre, il y en a une que je continue d'écouter même maintenant. C'est Babylon Brûle. Vous allez voir. Pouah. Je suis sûr que vous allez kiffer, quoi. Vous allez vous ambiancer chez vous le dimanche soir. Ouh ! Debout sur le canapé ou debout sur la table. Hop. Vous allez bouger. J'en suis sûr. Allez, c'est parti, les amis, pour Babylon Brûle. Où les darons sont dans la tourmente, par tournant, je trois tests comme plaque tournante. Tout ici, tous vendent, tous mangent, tous vendent de vouloir devenir millionnaire avant de dépasser les 30 balais. Grand ou gringalet, les armes où ils étaient là, la hargne qu'il fallait, le plan épargne dans le matelas des mains. Les petits ont faim, des crampes à l'estomac, et pour arriver à leur fin, ils iraient même jusqu'à trop mal. Et rate pas ton coup, gratte pas les gens, assistés des temps modernes, les voleurs par tous les temps. Grand, les petits boss, péta, puis ils bougent, expérimentos, qui tend pas la main au feu rouge. Et y'a les pistolets à eau, et les gros Beretta, comme y'a les soirées ghetto, et puis les soirées guetta. Tout ça nous prend le méta, des crampons, un grand pont, y'a la loi de l'omerta, devant les ch'tas, ferme-la, grand con. T'as la frousse, donc tu tousses, tu t'expliques, ferme-la, gousse. Les keufs connaissent l'odeur de ma bite, j'habite où j'ai grandi. Au quartier, pas d'MJ, peu de pite, trop d'MC, trop de PD, de la PJ. Souffle, ma 25ème bougie. Si je souffre, c'est que je suis paumé, perdu dans le tas, et c'est pas que je cogite. Donc je réplique en conséquence. Ma pute entre ses uns, je reviens choquer la France. Babylone brûle, Babylone brûle. Je t'entends de crier quand tu hurles. Dégage à leur face, on est baronné, c'est nul. Car l'incinère ton système qui part en testicule. Fireball brûle, brûle, Babylone brûle. Je t'entends de crier quand tu hurles. Tu dis qu'on avance, mais on va au fond, on recule. Un morceau lance plein pour la jeunesse qui tremble. On se répète peut-être, mais nique, on repasse une couche. On en a jamais assez dit, on récidive, écoute. T'es pas au bout de tes peines, y'a tout un tas de groupes. Plein d'injures dans la bouche, et toujours sur la défensive. Le rap c'est pas que ça, mais c'est ça qui fait qu'on le kiffe. Un bête de sang qui tourne en boucle, j'écris un bout ici. Des lyricistes, qui maltraitent la langue de Molière. J'ai pas le bac littéraire, mais je m'anime les mots ma guise. Encore une fois, on les aguaise. On part en guerre et on les traumatise avec ma 40 guest. Devine qui est-ce qui revient sur le terrain pour faire la zermie aux fils de l'âge qui sont sur nos reins. Parole de chien, prêt à partir en couille pour rien. Dans le même sac, je mets les fachos et tous les faux puristes. On revient, choquer la France et tu peux rien. On dit ce qu'on pense, même si ça change rien. On dit ce qui se passe, on voudrait qu'on soit tous pistes. Et qu'on s'en batte les couilles, qu'on reste cool et optimiste. Mais on perd pas la face, pas la peine de faire un débat. On revient mettre des baffes, en 2004, ces générations rien à battre. Ma clampeur du désastre, comment que ça part en vrille. Ça sent l'essence, ma génération crie vengeance. La France refuse de regarder sa jeunesse en face. Trop d'illusions perdues. La France qui la garde. Brûle, brûle, Babylone brûle. Je t'entends de crier quand tu hurles. Dégage à leur face, on est baronné, c'est nul. Car l'incinère ton système qui part en testicule. Fireball brûle, brûle, Babylone brûle. Je t'entends de crier quand tu hurles. Tu dis qu'on avance, mais on va quand on recule. Un morceau lance plein pour la jeunesse qui tremble. Laisse-moi sauver la France sur un couplet de 24 rimes. Hey Marianne, paraît que tu deals avec Marine. On fait Zarco, c'est du bancar et ça sonne. Fais gaffe quand tu fais le plein, y'a pas que des snipers à Washington. Dis-leur que je pèse leur administration. Avec un son impur qu'abreuve nos sillons. On chante l'espoir en vert, blanc, rouge. On graille ta chair, on digère mal tes poulets en bleu, blanc, rouge. Un gros doigt à tous nos chefs d'état, nos dignitaires. Sans oublier les baltringues du bloc identitaire. Notre haine est justifiée car l'État nous braque. T'as qu'à convertir en SMIC ce qu'avait tourné Chirac. Paraît-il que c'est notre faute, les mots à l'Elysée. Du trou de la sécu à l'insécurité. Ils nous bravent tous dans un monde imaginaire. On est le contraire de ce qu'ils pensent. On veut caresser nos rêves. On défonce les a priori à coups de batte. Dans ce bled, les esprits sont restreints, le monde est vaste. Skeska, Nike, anti-star et député. La délinquance donne du taf aux îlotiers. Écoute les chants du béton et de ses roses. Les conséquences de la colère sont plus graves que ses causes. Dites à la France que pour elle on a le sourire. Quiconque taquine un idée doit savoir courir. Brûle, brûle, Babylone brûle. Je t'entends de crier quand tu hurles. Dégage à leur face, on est baronné, c'est nul. Qu'elle incinère ton système qui part en testicule. Fireball brûle, brûle, Babylone brûle. Je t'entends de crier quand tu hurles. Tu dis qu'on avance, mais on va quand on recule. Un morceau lance plein pour la jeunesse qui tremble. Je vois que tout va se travers. En fait, on vient sur cette terre pour qu'on nous la mette à l'envers. Babylone mon tour est un virus dans tes programmes qui désinstalle, qui nique et puis tout crame. Bonne, bonne, bonne, j'fais personne ma bonbonne, rempli de vibes trop bonnes, man, j'ai sorti my weapon. Comme dirait Jaguar Gorgon, on vient choquer la frange, crache du foyer comme un brasier. Brûle, brûle, Babylone brûle, j'veux t'entendre crier faut que tu hurles. Que la chaleur frappe ton débat ou des cellules, qu'elle incinère ton système qui part en testicule. Eh bien voilà mes rastas, c'était Babylone brûle de Sniper. Ah je vous l'avais dit, hein, c'est une dinguerie cette chanson, elle est super bien, je l'adore. Allez, notre troisième artiste est un groupe que j'aime beaucoup aussi, qui s'appelle Trio, que tout le monde connaît, hein, je pense que tout le monde connaît Trio, hein, c'est quand même un groupe très très connu. Et la chanson est Toi et moi, et franchement celle-là, c'est pareil, c'est une très très bonne chanson, vraiment très très bonne. Le niveau est très haut avec Trio. Vous allez voir, c'est une dinguerie. Ce matin, 3000 licenciés, grève des sapeurs-pompiers, embouteillage et pollution pour Paris agglomération. Ce matin, l'abbé Pierre est mort. On l'enterre sur TF1, deux clochards retrouvés morts près du canal Saint-Martin. Ce matin, le CAC va de l'avant, deux soldats de moins pour l'Occident, dix civils de tués à Bagdad dans les bras sanglants du djihad. Toi et moi, dans tout ça, on n'apparaît pas, on se contente d'être là. On s'aime et puis voilà, on s'aime. Ce matin, menace de grippe aviaire, trop de fascisme en Bavière, l'Iran travaille au nucléaire et Areva squatte le Niger. Ce matin, rapport sur le climat, il ne survivrait que les rats, fond des glaces en Alaska et grosse chaleur en Angola. Toi et moi, dans tout ça, on n'apparaît pas, on se contente d'être là. On s'aime et puis voilà, on s'aime. Toi et moi, dans le temps, au milieu de nos enfants. Plus personne, plus de gens, plus de vent, on s'aime. Se meurt sous les balles d'une Chine qui fait son capital. Toi et moi, dans tout ça, on n'apparaît pas, on se contente d'être là. On s'aime et puis voilà, on s'aime. Toi et moi, dans le temps, au milieu de nos enfants. Plus personne, plus de gens, plus de vent, on s'aime. Ce matin, il fait presque beau. Ça tombe bien, je me suis levé tôt, avec le coq et les oiseaux, sans journaux et sans météo. Ce matin, j'attaque un autre jour. Avec toi, mon amour, cette journée durera toujours, on n'en fera jamais le tour. Toi et moi, dans tout ça, on n'apparaît pas. Toi et moi, dans le temps, au milieu de nos enfants, plus personne, plus de gens, plus de vent. Eh bien voilà les Rastas, c'était Trio, Toi et moi. Allez, notre prochain artiste est Yanis Odua. Il va chanter la chanson Rouge, Jaune, Vert. Et celle-là, je peux vous dire que avec des potes, on s'éclate sur cette chanson. On s'éclate, on la connaît vraiment par cœur. Et quand on l'entend, on devient totalement ch'tarbé. Je sais pas pourquoi, mais on devient ch'tarbé. Commence à chanter, à péter les plombs, quoi. Clairement, à péter les plombs, clairement. Mais clairement, elle est super bien. C'est pour ça aussi, elle est génial. Pour ceux qui connaissent pas, vous allez voir, vous allez kiffer, j'en suis sûr. En tout cas, je l'espère, hein, j'espère que cette émission vous plaît. Car je pense que je passe quand même de très très bons artistes. Sans vouloir faire le mec, hein, je pense que je passe quand même de très très très bons artistes. Bref, maintenant c'est Yannis Odoi, Rouge Jaune Vert, c'est parti. Rasta, c'était Yannis au doigt rouge, jaune, vert. Ah, pour ceux qui ne connaissaient pas, je suis sûr que vous avez kiffé, c'est obligé. Vous avez vu, je vous l'ai dit, cette chanson, c'est... Ah, c'est une sacrée chanson pour ça, soit joliment dit. C'est merveilleux, c'est magique, c'est une dinguerie, tout simplement, voilà. Allez, notre prochain artiste, et un artiste très très très très très connu. Et d'ailleurs, je passe une grosse dédicace à Papaye. Et qui est Papaye? Papaye, c'est tout simplement le père d'un de mes potes, tout simplement, qui est légèrement, mais vraiment légèrement, hein, Rasta, et qui a eu l'occasion de chanter avec Tonton David, car c'est un ancien chanteur aussi. Il a pu chanter avec Tonton David, et je lui passe une grosse dédicace, car clairement, il gère à mort. Et du coup, là, c'est Tonton David, et c'est Ils ont appelé la police pour moi. C'est parti. Hi-Fi son number one. Benemenemenen to o. Voici les DJ Casco. Benemenemenen twin.

avant-dernier artiste, excusez-moi, c'est dimanche soir, il me faut me pardonner, c'est Vibs Cartel, il va chanter « Come Home ». Ah oui, très bon accent anglais, hein, n'est-ce pas? Eh ben, bien sûr. Attends, tu crois qu'on rigole ou quoi? Attends. Donc, « Come Home », Vibs Cartel, ça durait trop longtemps. Là, je partais en vrille un peu trop longtemps, c'était pas bon. Allez, pour se calmer, hop, Vibs Cartel, let's go. C'est mes crimes à faire comme home. Tell her you alone. Sit down on the cocky like I say you feel your drone. Tell your pussy pretty, send a picture to me phone. Bubble pan the grizzly, yeah, me love it when you moan. If your man cocky dead, kick him with a stone. If your pussy bushy, me a travel with a comb. See the cocky ya wet, younger than a bone. And up in a your pretty little pussy where you own. Be a bee. Me nah lift. God damn it, girl, your body be kidding a bit. Say you can't bubble by your head. Be a bee, why not? But the media, your body be kidding a bit. She can't say you can't bubble by your head. Come home, loving you to death. Flinging round you so feed the fuck where you forget. Half a member, I bet you say you no forget. Say that body, you put the pep in your step. If your man cocky dead, kick him with a crep. Member say me better than a pack of cigarette. See the cocky ya wet. Younger than a jet, turn up in a your pretty little pussy till it wet. Be a bee. Be a bee. Et eh bien voilà, c'était Vibs Cartel, Come Home. Allez, notre dernier artiste, il y a deux artistes dans cette chanson, c'est Pitbull et Stephen Marley, deux artistes que j'adore. Et les deux ensemble, je peux vous dire que c'est vraiment un truc de fou. Ça fonctionne, mais alors tellement bien que ça m'ambiance, quoi, vraiment. Donc c'est tout de suite, Option, let's go. Stephen Marley, let him know what time it is. We came here to party, we came here to dance. You know that you're my girl, damn right of me, man. This night going too good, don't fall for the games. He said, she said, dumb shit. I got a whole lot of names and a whole lot of numbers, but I throw them away, cause I think I might love you. Could be the Mary Jane or the spell that I'm under. But I know what this could be, tearing out my history for you. Been around the fame, been around the money, been around some names, but a Chico's still the same. Some things never change. Here's a tip, show me your friends, I'll show you your future. Keep the change. I seen them come and go, I seen them sell their souls. You my number one draft pick, baby, let's pick and roll. I always keep you up on a pedestal. Misery loves company, baby, don't sweat these. I got a whole lot of names and a whole lot of numbers, but I throw them away, cause I think I might love you. Could be the Mary Jane or the spell that I'm under. But I know what this could be, tearing out my history for you. Man, they looking for the perfect life. They take some perfect pics. They want some perfect, but ain't nothing perfect. Girl, no such thing as a perfect world. These broads try hard to be who they not and not who they are. Baby, you sweating what? Baby, you sweating who? You talking about such and such? Who tries to be you? Man, you JFK. Mommy, you got your man. Misery loves company. I'll tell you one more time. I got a whole lot of names and a whole lot of numbers, but I throw them away, cause I think I might love you. Could be the Mary Jane or the spell that I'm under, but I know what this could be. Tearing out my history for you. Et ben voilà mes Rastas, cette émission est déjà finie, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie tout simplement. Et moi je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous, une bonne semaine à tout le monde, on se retrouve dimanche prochain, avant que je parte en Angleterre, hein, comme prévu. Mais voilà, à dimanche prochain, bonne semaine et bonne soirée à tout le monde, salut tout le monde.